Cours numéro 2. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكمل إن شاء الله تعالى هذا البحث في أحكام سجود السهو. قلنا ذكرنا حديثين, حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي هريرة. حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس, فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة أو تسليمته كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم. متفق عليه. هذه حالة نديء النقص قبل السلام. C'est la situation qu'on a eu Ams fi salat al-dhuhr. Quand l'imam s'est trompé Ams, il s'est relevé directement à la troisième. Il a oublié le tashahud. On s'est tous relevés derrière lui. Il a fini la salat et on a fait ce jour de sahou avant le taslim. Hada. Il y a eu un aqs. Deuxième hadith qu'on a vu Ams, hadith Abi Huraira. قال رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر ونبدي ركعتين ثم سلم. فقال رجل يا رسول الله نسيت أم قصر؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. قال ذو اليدين بلى قد نسيت. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول إلى آخره. إلى في التسليم ثم إلى في دو سجود, سجود السهو. في هذا الحال سجود السهو إلى أبخ السلام. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث, أسكس زيادة أسكس نقص. والذي يظهر أن الزيادة سي التسليم. فعلى هذا on a expliqué أمس et on s'est arrêté là أن on a deux حديث si dans la même situation que le Nabi عليه الصلاة والسلام l'achète tu le suis. هذا الأمر اللي واضح. بقي الآن يعني للزود شوز. القول الصحيح كما هو واضح أن ما من نقص في الصلاة والسجود سجود السهو يكون قبل التسليم قياسا على حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه. وإذا حصل في الصلاة زيادة فالتسليم أو السجود سجود السهو إلى بعد التسليم قياسا على حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين. بقي الشك متى يسجد المصلي للسهو إذا شك في صلاته. كذلك في المسألة هنا دو حديث. الأول حديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة. قال عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إلى أن دد لكن إلى بقى أن ظن غالب est-ce que c'est plus 3 ou plus 4 لا. في هذا الحال الآن il ne sait pas, il ne peut pas se départager. Il ne sait pas s'il a fait 3 ou 4 raka'a, mathalan. C'est un exemple qu'il a donné le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il repousse ce doute, وليبني على ما استيقن. Ça va être l'aql. Il continue sa salat sur l'aql. لأن اليقين c'est l'aql. مثلاً, si tu as un doute 3 ou 4, la chose la plus sûre, c'est que tu as fait 3. On n'a aucun doute que tu as fait 3. Lakin le doute, est-ce que tu as fait 4 amla? Fa fi hadha al-hal, tu te bases sur 3 et tu continues ta salat. Et tu fais sujoud avant taslim. Ça c'est le premier hadith. Al-thani, hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hadith Abi Sa'id il est fi Sahih Muslim. حديث ابن مسعود في الصحيحين متفق عليه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الصلاة إلى غاجوتي فأدخل الصلاة اليوم دماندي أحدث شيء في الصلاة ils ont demandé la question est-ce que c'est min bab al-shar ay c'est pas un oubli est-ce que dans la salat il y a eu un rajout fa qala ayy sallam wa ma dhak an nabi sallam il leur a demandé limadha vous dites ça qalu sallaita kadha ay il a rajouté fi salat qala fa thana rijlay wa istaqbala al-qibla fa sajada sajdatayn thumma sallam fa qala صلى الله عليه وسلم أبقى توسى قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام هذا الشاهد dans ce cas il a fait après السلام et nous a montré عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب c'est un doute d'essai de voir c'est quoi le plus proche. T'as un doute, 3 ou 4. Enfin, tu fais un effort, est-ce que tu as fait 4 ou 3? Si tu n'arrives pas, t'as venu à l'al-yaqin. Si tu n'arrives pas, tu reviens au al-aqal. Si c'est 3 ou 4, enfin, tu reviens à 3. Léana, c'est sûr que tu as fait 3. Et tu continues. Al-an, c'est deux hadiths. Un hadith avant salam, l'autre après salam. Pour bien comprendre, nous on résume. فَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ Celui qui a un doute dans sa salat. أَوَّلًا يَتَحَرَّ Première chose, tu fais un effort et tu essayes de savoir est-ce que tu as fait 3 ou 4. التحري. Aïe, tu fais un effort. Après cet effort, tu vas avoir deux cas. إِمَّا Tu n'arrives pas, tu ne sais plus. Tu as un doute, 3 ou 4. Il n'y a aucun des deux. يَتَرَجَّ عِنْدَكْ Aïe. Tu penches ni vers 3 ni vers 4, tu as un doute, tu ne sais plus. Imma, deuxième cas, tu vas pencher vers un des deux. Tu vas te rappeler, avec les recours, avec les sujouds, avec le qira'a, tu vas te rappeler, tu vas dire là, j'ai fait 4. Premier cas, si tu ne te rappelles plus, kama ja'a fi al-hadith, tabni ala al-yaqin. Kama fi al-hadith Abi Sa'id. Si tu ne te rappelles plus, aïe le doute, 50-50, tu reviens au nombre inférieur, al-aqal. Maintenant, tu ne sais plus 3 ou 4, tu as un doute 50-50, tu fais comme si tu n'avais fait que 3 rak'a, et tu continues. Kaba fi hadith, on a dit Abi Sa'id. Et sujoud dans ce hal, li'anna yansahu avant taslim. Ad-dalil hadith Abi Sa'id. Deuxième cas, si tu as un doute, lakin. Tu penses plus, maintenant, j'ai fait 3 rak'a. Ou tu penses plus, j'ai fait 4 rak'a. Ça, c'est la deuxième situation. Fi hadha al-hal, ta'ammal bi hadha al-dhann. Fi hadha al-hal, tu reviens pas au al-aqal. Là. Comme dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتم عليه. Aïe. Si maintenant, tu penses plus, tu as fait 4 rak'a, خلاص, tu te bases sur les 4. Tu continues ta salat. Wa fi hadha al-hal, tu fais sujoud après taslim. Ad-dalil hadith ibn Mas'ud qu'on a dit. Tu as deux cas. Si tu n'arrives pas à départager, tu reviens à l'aql et tu fais sujoud avant taslim. Si tu arrives, tu as un doute là, tu penses que tu as fait plus cette chose, tu fais cette chose, tu continues et tu fais le sujoud après taslim. Wallahu ta'ala a'lam. هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره العلامة العثيمين رحمه الله الآن نغزم c'est quand tu fais sujoud avant de taslim et après de taslim c'est quand que tu fais sujoud après de taslim et on a expliqué أمس on a cité فيما أذكر أن المسألة يا خلاف كبير واسع الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل ذكر ثمانية أقوال à peu près il a cité 8 قول 8 qawl. Des savants ils disent toujours avant, des savants ils disent toujours après taslim. Il y a des savants ils disent tu choisis, il y a des savants ils disent dans ce cas-là tu fais avant, dans ce cas-là tu fais après. Al-muhim ya khilaf, il est wasi. Lakin qawl shaykh al-islam rahimahullah wa qawl shaykh ibn Taymin, il est aqrab wallahu a'lam. Wa al-khulasa de ce qawl, on commence par si un naqs. Mata, quand est-ce qu'il fait sujoud fi naqs? قبل التسليم ما الدليل حديث عبد الله ابن بحينة أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس c'est là ce qui s'est passé on a dit hier avec l'imam salat al-dhuhr il s'est relevé il y a eu un manque tashahud al-awwal on a continué la salat il a fait sujoud avant le tashlim hadith Abdullah ibn Buhayna il est fait sahihay al-an siya un rajout fi salat quand est-ce qu'il est sujoud de sahou عند الزيادة بعد التسليم ما الدليل حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى rajouté التسليم سهوا إلى في السجود après التسليم الآن vous avez la règle dans la diminution avant le teslim et vous avez la règle l'augmentation après le teslim. C'est simple, Anta. La diminution, c'est avant. L'augmentation, c'est après. Al-An, le doute. Qui c'est qui récapitule le doute qu'on a vu au début de ce dors? Awalan yataharra. Si tu as un doute, la première chose, tu fais un effort. Tu ne laisses pas ce doute. Là, tu fais un effort. Est-ce que j'ai prié 3 rak'at ou 4? Il y a des choses, elles t'aident à te situer. Fais-moi ça, c'est ça. Naam. تفضل زيد نعم اذا ما رجح الشيء يبني على اليقين si tu n'arrives pas à départager ce doute 3 ou 4 tu reviens à l'aql si c'est 3 ou 4 tu reviens à 3 لان on a aucun doute que tu as fait 3 le doute il est sur 4 est-ce que j'ai fait 4 ام لا Là, chaque que tu as fait 3, tu reviens à 3. Là, tu n'arrives pas à te départager. Et le sujoud, tu le fais quand? Ou le sujoud, قبل التسليم. Ma dalil? قبل التسليم, ou le dalil? Hadith man? Hadith Abi Saïd, Ahsan. On répète le hadith. قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى الثلاثة أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم avant le تسليم t'arrives pas à te départager t'as un doute tu sais plus est-ce que t'as fait 3 ou est-ce que t'as fait 4 deuxième cas dans le doute عندك أحسنت إذا شك في صلاته وترجح عنده مثلا 3 أو 4 il fait un effort et il pense qu'il a plus fait 4 ماذا يفعل أحسنت il fait comme s'il avait fait 4 il continue sa salat et par rapport au sujoud ماذا يفعل بعد التسليم أحسنت الدليل حديث من ابن مسعود le hadith qu'on a cité قال ثم ليسجد سجدتين في روايه مسلم بعد السلام باذن الله avec un tableau qui récapitule tout ça ça sera simple انتم الان المهم c'est que tu as compris et tu as tes notes c'est ça l'important pour l'instant enfin là chaque que tu vas oublier peut-être c'est pas clair à 100% mais si tu as tes notes باذن الله on essaiera de récapituler avec un tableau avec le temps ça sera باذن الله très simple فائدة نقل الإمام ابن عبد البر ورحمه الله أن هذه المسألة أي السجود قبل أو بعد tout ce qu'on a vu الآن est-ce que tu fais avant ou après الإمام ابن عبد البر رحمه الله نقل عدم الخلاف أن cette مسألة c'est l'afdal أي le fait de faire avant le sujoud Alors avant le teslim ou après le teslim, c'est mimbab al-mustahab. Si t'inverses, fa yujzi. Le mieux, c'est de faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Celui, matalan, qui se trompe, une diminution, c'est avant. Lui, il l'a fait après. Lâchez, allez. Il a délaissé l'afdal. Lakin son sujoud, il est valide, et salat, elle est valide. لأن ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم مثلا السجود اللي était avant تسليم ils l'ont fait après. Ça, ça montre que ce mimbab est l'afdal. Ça serait obligatoire à الصحابة, ils l'auraient fait à son endroit. لكن بعض الصحابة c'était avant, ils l'ont fait après. Ou c'était après, ils l'ont fait avant. Ça montre que c'est l'afdal. هذا c'est mimbab المستحب. والله أعلم. لا يلتبس عليك السجود الواجب لكن le moment il est مستحب. T'as deux choses. Le sujoud en lui-même, si t'as un oubli, t'as rajouté ou t'as diminué ou t'as un doute, le sujoud il est واجب. Tu dois faire deux sujouds, c'est obligatoire. Lakin le moment, est-ce que c'est avant le taslim ou après, ça c'est مستحب. Le mieux, c'est de faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait. On respecte, quand c'est avant, on fait avant, quand c'est après, c'est après. Lakin celui qui inverse, là c'est عليه. C'est مستحب والله اعلم. نقل الامام عبد البر ونادى عدم الخلاف في هذا. الان on va voir des مسائل متعلقه بسجود السهو. Le plus dur, on l'a fait là. On a compris les règles, on a les adillah et on sait le hukm. On sait quand est-ce que ça avant, quand est-ce que ça après. Al-an, on n'a plus qu'à avoir des masa'il qui complètent les choses qu'on a vues hier. Awalan, la première masa'ala, hukm, tark sujoud al-sahou. Celui qui délaisse sujoud al-sahou. Ma'adha alayhi. On a vu ams, anna sujoud il est obligatoire. Fal-an, tark sujoud al-sahou. Deux cas, celui qui le délaisse volontairement, muta'ammidan, et celui qui le délaisse sahwan. Matalan, tu as un oubli dans ta salah. Tu sais que après le teslim, tu dois faire deux sujouds. Tu fais le teslim, tu oublies. Tu ne fais pas les sujouds. Amma, celui qui le délaisse muta'ammidan, قال الإمام الألباني رحمه الله celui qui le délaisse volontairement إذا تعمد ترك سجود السهو لا تبطل الصلاة. Sa salat elle est valide, ça annule pas sa salat ولا aussi le délaisse volontairement. قال ولكن يكون آثما. نعم, il est آثم, il a des péchés في هذا الحال. لماذا؟ لأن il délaisse une chose obligatoire. أما sa salat elle est valide. Lakin, c'est une chose qui est liée avec la salat qu'il n'a pas fait. Sa salat elle est valide, lakin, fi hadha al-hal il est athim. Qala, yakun athiman bisabab tarkihi ma amara bihi al-rasul sallallahu alayhi wa sallam min sajdatay al-sahw. Naam, hadha al-qawl al-sahih. Anna celui qui délaisse les deux sujouds volontairement, il est athim. Le hukm c'est que c'est haram. En un mot c'est haram. Kalam Cheikh al-Albani fi al-silsila. Silsila al-huda wal-nour. Deuxième cas. Si il ne fait pas les deux sujouds, lakin par oubli. Tu vas avoir deux cas. Par oubli, tu vas avoir deux cas. Premier cas, in tarakahu naziyan thumma dhakarahu qabla tul al-fasl. Sajada lissahu mata dhakarahu wa huwa qawl jumhur al-ulama. Mathalan, tu as fini la salat, tu fais le teslim et tu dois faire ce jour de sahou. Tu oublies. Une minute après, tu te rappelles, tu fais. لأن la durée entre le teslim et le sujoud, c'est une durée courte. Quand tu le fais, une minute, deux minutes, cinq minutes là-bas. هذا قول جمهور العلماء. Ils ont pris comme argument hadith de l'yaday. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait teslim. ثم ils lui ont dit يا رسول الله t'as oublié كذا كذا كذا. Il a fait. Il y a eu une durée là, chaque, ça n'a pas été directement. Il y a eu une durée. Il y a eu un dialogue, une minute, deux minutes, trois minutes. Tout le monde a vu ça, il a fait. Ça montre que ça, Al-Fas, a une durée courte, tu fais le sujoud. Quand il y a le qa'il, si j'ai oublié le sujoud avant le teslim, enfin, tu le fais après le teslim. Tu n'as plus le choix, via d'Allah. Si tu as oublié le sujoud, il était avant le teslim, enfin, tu le fais après le teslim. Deuxième cas, in dhakarahu ba'd tul al-fasl. Deuxième cas, si il se rappelle après une longue durée. Maintenant, tu as fait salat au dhuhr. Après le teslim, tu t'es trompé, tu dois faire deux soujouds, tu ne les fais pas. Tu te rappelles au asr, au maghrib, au isha, al-hal, tu ne les fais plus, khalas, le temps il est passé. Une personne, elle peut demander, c'est quoi une longue durée? Là, ça revient au urf. Il n'y a pas une durée précise. On ne peut pas dire à partir d'une heure, à partir de deux heures, à partir, tu ne fais plus. Là, ça, ça revient au urf. Urf al-nas. Ça, c'est ma'rouf al-nas. Elle a une petite durée, ça va être une minute, deux minutes, cinq minutes, dix minutes. Et là, chaque un jour, une semaine, c'est une longue durée. Ah là, la personne, il revient au urf. Ils ont cité comme rabbit, si tu sors de la mosquée. Quand tu es à la mosquée, tu peux faire les deux soujouds si tu as oublié. Si tu sors, tu peux plus les faire. Ah là, c'est pas ça. Tu peux être en i'tikaf un mois. Je ne sors pas de la mosquée. Ah là, c'est pas un rabbit. Un rabbit, il revient au urf. Tant que c'est court, tu les rattrapes. Si c'est. Tu penses, tu vois, tu sais que la durée elle est trop longue, tu ne les fais pas. La masse à la suivante. Hukm al-takbir. Les sujouds du sahou. Est-ce qu'on fait le takbir amla? Qala al-hafid ibn Rajab rahimahullah. Wal-amal ala hada inda ahl al-ilm. Annahu yukabbir fi kulli sajdatin. Takbira. Les sujouds wa takbira li raf' minh. Wabihi qala Atta. Al-Shafi'i. Wa Ahmed. Wa ghayruhum. Amal ahl al-ilm. Je dis le takbir. Allahu Akbar. Si c'est après le taslim, tu fais le takbir. Si c'est avant le taslim, tu fais le takbir. Le takbir, tu dis Allahu Akbar. Qala wa la farq fi dhalik bayna sujud as-sahw qabla as-salam ou ba'd as-salam. Il n'y a aucune différence. Que ce soit avant le salam ou après, tu dis le takbir. Le takbir, quand tu te prosternes et quand tu te relèves. Quand tu te prosternes et quand tu te relèves, comme moi, tu fais le salam. Fil haqiqa sujud as-sahw, c'est la même chose que sujud as-salam. C'est le même dhikr. Tu fais le takbir. C'est la même position. Après le dernier sujud, at-taslim, c'est la même chose que sujud as-salam. Wa min ash-shafi'iyya, on continue kalam ibn Rajab, man qala fi sujud ba'd as-salam, yukabbir takbirat al-ihram. Thumma yukabbir li sujud. Ash-shafi'iyya, ils ont rajouté une chose. Ils ont dit après le taslim. Tu t'es trompé dans ta salat, tu as fait le taslim. Tu dois faire ce jour de saw. Inda ba'd ash-shafi'iyya, tu fais takbirat al-ihram awalan. Allahu akbar, takbirat al-ihram et après tu fais un deuxième takbir pour le sujoud. Hada c'est pas sahih. Hada c'est pas sahih. Takbirat al-ihram c'est pour salat. Amma sujoud as-sahw tu fais un takbir pour te prosterner فقط. Il y a pas de takbirat al-ihram. Wa ad-dalil hadith al-yadayn. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a kabbar. On n'a pas de dalil annahu il a fait takbir al-ihram. Annabi sallallahu alayhi wa sallam kabbar. Il a fait takbir pour se prosterner, pour se redresser, pour se prosterner. Thumma il se redresse, il refait takbir et il fait taslim. Hada as-sahih. Fassawab c'est qawl al-jumhur. Jumhur al-ulama, la majorité des savants, ils disent que tu fais le takbir sans faire de takbir al-ihram. Hada as-sahih. Al-mas'ala allati ba'daha. Mada yuqal fi sujud as-sahw. Qu'est-ce que tu dois dire comme dhikr fi sujud as-sahw? Taqaddam anna sujud as-sahw c'est la même chose que sujud as-salat. Fait tu dis le même dhikr. Subhana rabbi al-a'la et tukthir min ad-du'a. Subhana rabbi al-a'la trois fois et tukthir min ad-du'a. Ad-dalil ala hada anna adillat as-sujud as-su'am. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la position du sujud fi as-salat. Il nous a montré l'adhkar. Ces adillah, ils correspondent ou ils sont valides pour ce jour de sahou. Les anas ce jour de sahou, c'est un sujoud. Enfin, ils rentrent dans les adillah, ils rentrent dans les preuves du sujoud. Enfin, tu dis la même chose, et tu as la même position. La position kadhalik, c'est la même, on ne la détaille pas. On l'a détaillé, fi sifat as-salah. Al-mas'ala allati ba'daha, at-tashahud ba'da as-sajdatay as-sahou. Est-ce que tu fais tashahud amla? As-sawab, Anna, قبل السلام, tu as déjà fait le tashahud. Tu es maintenant en position assise, tu récites at-tahiyyatu lillah wa salawat wa at-tayyibat ila akhirih. Thumma, avant le taslim, tu fais le tashahud. Tu te relèves, tu fais le sujoud, les deux sajdah, tu te relèves et tu salam. La chaque fois dans le hal, qu'on a dit, il ne fait pas le tashahud, tu l'as déjà fait. Mais maintenant, le khilaf va être après le taslim. Tu as fait salat, tassalam. Tu refais sujoud, deux sujoud, sujoud de l'oubli. Est-ce que tu fais tashahoud amla? En tout, il faut bien différencier les deux sourates. L'un à la première, elle est wadiha, tu ne le fais pas. Tu l'as déjà fait, tu viens de faire. Tu ne peux pas faire deux tashahoud dans une salat. Mafoum? Salat, il y a un tashahoud, le premier, thumma il y a le deuxième. Lakin en position assise, tu ne peux pas faire deux tashahoud. Tu en as déjà fait un, khalas. Lakin après le taslim, qala, amma, idha kana sujoud ba'da salam, faqala bit tashahoud jam'un min al-ulama. Amma si le tashahoud ou le sujoud, il est après le salam, jam'un min al-ulama, un groupe de savants, ils ont dit qu'il faut faire le tashahoud. منهم أبو حنيفة والإمام الشافعي واستدلوا يزبقكم أرجمة حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم هذا الحديث فيه التشهد الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحديث لصحيح لكن بدون زيادة التشهد الحديث هذا لصحيح لكن زيادة ثم تشهد الشاذة سنغجو لماذا؟ قال نحن نقرأ الآن من تحقيق محمد بن حزام حفظه الله قال فإنها شاذة شذ بها أشعث ابن عبد الملك الحمراني فقد رواه غيره عن ابن سيرين بدون ذكر التشهد الآن يا غب اختار إلى غجوت التشهد الحديث on le répète قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ça c'est après le taslim سراوي الأشعث أو أشعث ابن عبد الملك إلى غجوت التشهد ابن سيرين رحمه الله الإمام أبو بكر إلى أرجح من أشعث بكثير إلى غبقت الحديث sans rajouter le tashahud. Ça montre que la riwaya qui est mahfouda, c'est riwaya ibn Sirin. أما l'autre riwaya, c'est un rajouté الشاذة. إلى خالف من هو أحفظ منه. فعلى هذا التشهد, que ça soit avant ou après, c'est pas مشروع. Avant, t'as le tashahud de salat, il suffit. Tu peux pas rajouter un autre tashahud. Et après le taslim, il n'y a pas de tashahud khas pour sajdatay as-sahw. Donc il n'y a pas de tashahoud. Tu fais les deux sujoud, tu te relèves, tu fais le taslim. Tu ne refais pas un tashahoud. Là. Les ulama qui ont dit tu fais le tashahoud, ils se sont basés sur hadith Imran. Et on a vu qu'il est daïf. La ziyada est daïf. فالصواب عدم مشروعية التشهد قبل السلام وبعد السلام أي إذا كنت قبل السلام أي أن تشهد en plus أما avant le تسليم تال التشهد de الصلاة يسفي وهذا القول هو القول الصواب هو قول ابن سيرين والحسن وابن المنذر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ثم العلامة السعدي والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا فهؤلاء ils ont choisi le qawl qui n'a pas de tashahoud et c'est sahih. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah, ou al-Sheikh Muqbil rahimahullah. Mas'ala qui vient après le taslim. Amma qabla les deux sujoud, qabla le taslim, fala shak, tu vas faire taslim de la salat. Tu t'es trompé, tu fais tahiyyat, tumma, c'est une diminution, matalan l'erreur. On a dit deux sujoud avant le taslim. Tu fais tes deux sujoud, demain tu te relèves et tu fais le taslim. C'est le taslim de la salat, il n'y a pas de problème. Baqiya, après le taslim, est-ce que tu refais un deuxième taslim ? فإذا كان السجود بعد السلام فقول جمهور العلماء أنه يسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فسجد سجدتين ثم سلم وحديث ابن مسعود on avait montré c'est une ziyada le sujoud il est après le taslim et في رواية صحيح مسلم on avait vu ثم سلم أي بعد الكلام il a parlé ثم il a سلم أي السجود il a parlé il a fait السجود et il a fait السلام المهم أن que ça soit avant dans le taslim de la salat après tu fais un autre taslim maintenant t'as fini salat tu salam tu fais deux sujoud le premier sujoud on a dit at-takbir Allahu Akbar tu te relèves Allahu Akbar tu te reprosternes une deuxième fois Allahu Akbar tu te relèves Allahu Akbar tu es en position assise tu fais pas tashahoud on a dit tashahoud shad la riwaya n'est pas sahiha tu es en position assise tu salam maintenant on va voir des masail deux ou trois par rapport à le Moussalli al-Ma'moum, le Moussalli qui est derrière l'imam. Il y a beaucoup d'ishkalat ici. Les anna compte tout seul, on compte l'imam, c'est tout ce qu'on a vu là. Lakin al-an, si tu pries derrière l'imam, peut-être que l'imam, il a fait une erreur, ou un oubli, et toi tu ne l'as pas fait. Ou le contraire, peut-être que toi tu as fait une erreur dans ta salat, enfin, est-ce que tu suis l'imam? Ou est-ce que tu ne le suis pas? Est-ce que tu as le droit de faire ce jour de l'imam, il ne l'a pas fait? La mas'ala الأولى في هذا قال إذا سهى الإمام هل المأموم يسجد معه؟ Si l'imam il se trompe, est-ce que si l'imam il fait les deux sujoud, est-ce que tu les fais toi aussi? قال الإمام ابن قدامة رحمه الله إذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو. Si ton imam il se trompe, tu le suis dans les deux sujets. Que ça soit avant le teslim ou après le teslim, tu le suis. Que tu l'as suivi dans son erreur ou tu ne l'as pas suivi. À la fin, tu fais les deux sujets avec lui. قال وسواء كان السجود قبل السلام أو بعده نعم سواء أفضل وفي السلام قال ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا سجد فاسجدوا أي الإمام il a été instauré pour être suivi ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد فاسجدوا si l'imam il se prosterne prosternez-vous الآن صلاف دي l'englobe le sujoud de la salat et sujoud de sa il y en a sujoud de sa ou sa sujoud فإذا سجد فاسجدوا si il fait sujoud tu fais même si tu n'as pas fait d'erreur. L'anna, l'imam, il doit être suivi. Al-mas'ala lati ba'daha. Iza kana al-ma'moum masbouqan, fa hal yaqdi ou yasjud ma'a l'imam. T'arrives en retard à la salat. T'as manqué deux rak'at, matalan. Matalan, t'arrives à salat al-duhur à la troisième rak'at. Tu pries la troisième et la quatrième. Est-ce que, après le teslim, tu te relèves, tu finis la salat? Ou tu fais sujoud de sahou avec l'imam. Il y en a l'imam lui. S'il fait sujoud avant salam, on va voir, c'est simple. S'il fait après le teslim, anta, est-ce que tu te relèves amla? Il y en a, tu vas être dans un cas, anta, tu as deux raka'at à rattraper. L'imam lui va faire sujoud de sahou. Cette mas'ala est muhimma. Yahsul fiha al-khalt kathir. Qala al-imam ibn Qudama rahimahullah. إذا كان المأموم مسبوقا فسهى الإمام فيما لم يدركه il va citer trois cas. قال فعليه متابعة الإمام في السجود سواء كان قبل السلام أو بعده. Ça c'est l'avis d'Ibn Qudama. On va voir que fait نظر. أما avant السلام, est-ce qu'il y a un problème avant السلام? عندما l'imam il fait les deux sujoud avant le teslim. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à celui qui prie derrière? Il n'y a aucun problème fi hadith surah. Limada? Non, mais il n'a pas salam, tu es dans salat, tu le suis. Le problème, le khilaf, beaucoup, il va être après le teslim. Amma, avant le teslim, tu es dans la salat, tu le suis. Tu ne peux pas te lever, il n'a pas encore fait teslim. Si tu te lèves, tu ne suis plus l'imam. L'imam, il est en salat, toi, tu ne le suis plus. Voilà. C'est hadith hal, avant salam, la chak, tu le suis. Al-an, après le salam. Ibn Qudama, rahimahullah, son avis, tu le suis avant et après. C'est ça son avis. Il y a un deuxième qawl, il l'a cité Ibn Qudama, rahimahullah, wa qala Ibn Sirin, wa Ishaq, qala yaqdi, thumma yasjud. Un autre qawl, ils disent que ça soit avant ou après, tu te lèves. Tu finis la salat et après tu fais le sujoud. Amma ce qawl, on va voir qu'il est sahih ba'd as-salam. Amma avant là, hada al-qawl, une partie de ce qawl elle est juste. Si c'est après salam, tu te lèves, tu finis et tu fais le sujoud. Lakin avant salam, tu n'as pas le droit de te lever. Lianna l'imam, il n'a pas fini sa salat. Comment tu vas délaisser l'imam? Innama ju'ila al-imam li yutamma bih. Troisième qawl. Et on va voir que c'est sahih. Wa qala Malik wal Awza'i wal Layth Al-Layth ibn Sa'd wal Shafi'i fi as-sujud qabla as-salam ka qawlina. Hadha al-qawl, ils ont pris les deux premiers qawl. Avant salam, ils ont pris le qawl de Ibn Qudama al-Hanabila. Ay tu suis l'imam. Qala wa ba'dahu ka qawl ibn Sirin. Après le salam, même, ils ont pris le deuxième qawl, Ibn Sirin. C'est ça, Sawab. Le troisième qawl, le troisième avis, tu prends le premier avis pour avant Salam, et tu prends le deuxième avis pour après Salam. Ça te donne le troisième qawl. Aïe, on résume. Avant le taslim, tu suis l'imam. T'arrives en retard, avant le taslim, il fait sujoud. C'est sujoud. Tu te relèves du sujoud, l'imam il fait assalamu alaikum, assalamu alaikum, tu te lèves. Tu finis ta salat. Après le taslim, maintenant, tu arrives en retard, l'imam il s'était trompé, il fait assalamu alaikum, assalamu alaikum. Toi tu te relèves. Pourquoi tu te relèves? Pourquoi tu n'attends pas ce sujoud? Naam, parce que la première salat elle est finie. Tahliluha taslim. Deuxièmement, l'imada, il y a une autre cause. Annaka, tu ne sais pas quand si l'imam il va faire le sujoud. Imagine après le taslim, t'attends. Tu vas attendre combien de temps? S'il fait le sujoud 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes après, est-ce que tu vas l'attendre là? S'il fait sujoud, il fait sujoud. Toi, tu feras le sujoud après ta salat à toi. Hada as-sawab. Qala al-Sheikh Muhammad ibn Hizam, habidahullah. Al-Qawl al-Akhir huwa as-sawab. Aïe, Qawl. الإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي قال والله أعلم لأن الإمام في تحلل من صلاته بالتسليم تحللها التسليم نعم الإمام لا فينيس الصلاة الله أعلم إذا كيف في السجود أم لا نحن أنصغلاء من سيف السجود أنصغلاء لأن نحن أنا une obligation à rattraper l'an. On a des arcanes, des rak'at. Ça passe avant. Hada wallahu a'lam. Qala fal mutaba'a mu'tadila li wujud al ha'il wa huwa as-salam. Wa law sallama al masbuq. Naam, tabtul salatu. Kadhalik. Troisième chose qu'on n'a pas cité. Anna anta, t'es arrivé en retard. L'imam, il est au tashahud. Toi, khalas, t'es rentré dans le jama'a. L'imam, il fait taslim. Si toi, tu fais le salam, ta salat elle est battue là, t'as pas fini salat. On revient à quoi? On revient à un shart important. Ahsan, tertib. Comment tu vas salam, t'as pas fini ta salat? Fadhal, tu salam pas. Eux ils salam parce qu'ils ont fini. Toi tu te relèves. Ils font ce jour de sahou, tu finis ta salat et après tu fais ce jour de sahou. On va voir. Est-ce que tu fais ce jour de sahou ou amla? وهذا هو ترجيح العلامة ابن عزيمين رحمه الله في شرح الممتع نعم هذا سقول من مالك الأوزاعي الليث بن سعد الشافعي من المعاصرين للصافون كونتمبورا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع مسألة هل على المأموم سجود سهو إذا سهى في نفسه un autre cas toujours rapport avec l'imam أنت t'as un oubli ou t'as un doute dans ta salade. T'es avec l'imam. L'imam, lui, il ne va pas faire ce jeu de sahou. L'imam, lui, il n'a aucun doute, il n'a pas d'oubli, il n'a rien. Un, t'es derrière l'imam. Est-ce que tu fais ce jeu de sahou, amla? Si t'es tout seul, c'est clair, tu fais ce jeu de sahou. La masala, un, t'es derrière l'imam. La première masala, l'erreur, elle venait de l'imam. Ceux derrière, ils n'avaient pas l'erreur. On l'a suivi. Sauf après de taslim. Cette masala, l'imam, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas d'oubli, il n'a pas de doute. Elle vient de un frère qui prie derrière l'imam. Qala, ذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم لا يسجد أو لا سجود عليه في مثل هذا الحال. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. جمهور العلماء, la plupart des savants, ils sont d'avis أن في هذا الحال, tu fais pas de sujoud. لأن أنت تدغير الإمام. قال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم. هذا لا شك فيه. الشيخ الألباني الآن va avoir un argument convaincant جدا. Il nous cite أن الصحابة ils ont fait la salat pendant des années avec le prophète عليه الصلاة والسلام. لا شك أن pendant ces années il y a des sahaba ils ont eu des doutes dans leur salat, des oublis. قال يجب السجود عليهم لو كانوا منفردين هذا أمر لا يمكن الإنكار لا يمكن لأحد إنكاره نعم لأن من طبيعة البشر. On a vu أن النبي صلى الله عليه وسلم il a oublié حديث في قصة اليدين حديث ابن مسعود حديث أبي سعيد فما بالك الصحابة دغلوين لا شك ils ont oublié dans certains cas. قال الشيخ الألباني فلم ينقل عن أن أحدا منهم سجد بعد سلامه ولو كان مشروعا لفعلوه. On a pas de récit authentique أن le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait التسليم et un compagnon derrière lui il a fait سجود السهو parce qu'il a une erreur. أبدا. Il suivait le Nabi صلى الله عليه وسلم. إلا dans un cas. Sauf dans un cas. عند من؟ Anna, t'es arrivé en retard. Tu salis avec l'imam. Maintenant, les deux premières rak'a. Toi, tu fais deux premières rak'a. Eux, c'est les deux dernières. T'es venu en retard de rak'a. L'imam, il fait taslim. Toi, tu te relèves. Tu finis tes deux rak'a. Dans ces deux rak'a, si tu te trompes, tu fais ce jour de sahou. La différence, Anna, dans ces deux rak'a, t'es tout seul. T'as plus d'imam. Dans ces deux rak'at, t'es tout seul. L'imam, il a fait taslim. Enfin, si tu te trompes, si tu te trompes quand t'es tout seul, tu fais ce sujoud. Léana, fil haqiqa, c'est ce mas'ala, t'es fi hukm al-munfarid. Amma, quand t'es derrière l'imam, tu te trompes, t'oublies, t'as un doute, il n'y a pas de sujoud de ça. Enfin, antum, vous regardez, si t'es avec l'imam, l'erreur, elle est pendant que t'es avec l'imam, il n'y a pas de sujoud de ça. Si t'es venu en retard et tu rattrapes ta salat et tu te trompes, tu fais ce sujoud de ça. Léana, t'es tout seul. T'es tout seul, fiyad al-haq. Peut-être que les gens ils se sont levés, l'imam il est rentré chez lui. Toi, t'es tout seul. Pas fiyad al-haq. T'es hukm, t'es tout seul. C'est comme la sutra. Dès que l'imam il a fait taslim, si t'as plus de sutra devant toi, tu dois trouver une sutra si tu peux. Maintenant, tu t'avances de quelques pas. Ou un frère il met une sutra devant toi. Li'anna, t'es plus considéré avec l'imam. T'es tout seul. Hada, c'est mohim. قال ابن قدامة رحمه الله إذا سهى المأموم فيما ينفرد به من القضاء يسجد. Si tu rattrapes tout seul, la jamaa elle est finie, t'es tout seul, tu rattrapes et tu te trompes, tu fais sujud sahou, لأن t'es tout seul. قال لأنه قد صار منفردا فلم يتحمل عنه الإمام. نعم. أما quand t'es derrière l'imam, on a dit, l'imam يتحمل. Même si une erreur t'as avec l'imam, t'as pas besoin de faire sujud sahou. أما tout seul là, il n'y a plus d'imam, donc tu rattrapes. Tu fais les deux sujouds. On a fini, Masa'il, par rapport à, avec l'imam. Masa'la, hal yashmal sujoud sahou nafila. Est-ce que sujoud sahou, c'est que pour les salats obligatoires ou c'est pour les salats recommandés kadalik? قال ابن قدامة رحمه الله وحكم النافلة حكم الفرد في سجود السهو في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا أن ابن سيرين قال لا يشرع عامة العلماء ils ont dit il y a aucune différence entre صلاة الجماعة et صلاة النافلة. Si tu te trompes pour الجماعة tu fais سجود السهو. Si tu te trompes نافلة tu fais سجود السهو. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. Ça c'est عام. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un de vous oublie, il fait deux sujouds. Il n'a pas dit salat obligatoire ou salat qui n'est pas obligatoire. Ça, ça englobe toutes les salawats. Mas'ala, hal yasjud li sahou fi salat al-janaza? Est-ce que ça englobe le janaza? Ça englobe pas le janaza. Li anna al-janaza, aslan, il n'y a pas de sujoud. قال ابن قدامة رحمه الله لا يشرع السجود السهو في صلاة الجنازة لأنها لا سجود في صلبها المام لا pas de سجود في الصلاة c'est une position debout فقط ف celui qui se trompe il fait pas سجود السهو. Dernière مسألة هل يسجد المصلي لترك مستحب est-ce qu'on fait سجود السهو si on a délaissé un مستحب. نحن ce qu'on avait vu c'était tu délaisses un pilier, tu oublies un pilier, tu délaisses un wajib. الآن مستحب. اختلف العلماء في هذه المسألة. بعض العلماء ils ont montré les hadiths, ils sont عام. Ils sont عام. Tu oublies une obligation, un pilier ou un mustahab, enfin tu fais sujoud. بعض العلماء ils ont dit là, المستحب, il n'y a pas de sujoud. لماذا؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم il l'a jamais fait. Les hadiths qu'on a, النبي صلى الله عليه وسلم il avait oublié le tajawud l'awwal ou les deux rak'at. Imma une obligation, imma un pilier. على المستحب ولا قد ادل على ذلك. Deuxièmement, ان si on fait sujoud à chaque fois qu'on délaisse un mustahab, fait toutes tes salats tu devras faire sujoud de sahou. لان لا شك que dans ta salat il y a certains mustahab que tu fais pas. فالصحيح انه il y a pas de sujoud du mustahab بعد الاداء. هل يسجد من نسي او شك في مستحب؟ ف comme on a expliqué. اختلف العلماء في هذه المسألة الصحيح أنه il y a pas de sujoud. Le Nabi صلى الله عليه وسلم on a dit il l'a pas fait. Les Sahaba ils l'ont pas fait. كذلك si tu ouvres cette porte comme on a dit chaque salat ou la plupart des salats tu auras des mustahabbat. فهذا والله أعلم. فبهذا on a fini هذا الموضوع المهم. هذا الموضوع يحتاج إلى مراجعة وتلخيص. Al-Afdal, vous, c'est que vous résumez avec un tableau. Les masaïls, elles sont simples. Tu les écris. Toutes les masaïls qu'on a citées, vous les trouvez, bi-idnillah, fi Fath al-Allam. Fath al-Allam, sharh bulugh al-maram. On les a pris à peu près dans l'ordre. Fa antum, vous recopiez les masaïls min hadha al-kitab. Celui qui ne l'a pas, il est fait le maktaba. Al-Mujalad al-Awwal, à la fin. Vous prenez le sommaire et écrit. Et tu vas trouver les masaïls. Tu n'as plus qu'à les recopier. Et par rapport au mahal, à sujoud, à l'endroit, tu te récapitules avec un tableau. Tu fais un tableau, hakada, et tu le partages en trois. Hakada. Tu le partages en trois. Ici, tu mets az-ziyad, le rajout, ou l'augmentation. Et tu cites ces camps avec le délit. Ici, tu mets an-naqs, la diminution. Tu cites ces camps avec le délit. Ici, à chaque, tu le partages en deux. Tu le partages en deux et tu mets les deux cas. Si tu ne sais plus, tu mets quand. Et si il y en a un des deux cas, tu penses que c'est le plus juste, ça sera ba'd salam. Et celui-là, qabl salam. Tu résumes tout ça dans le tableau avec un dalil de chaque, mais idnillah, ça va te faciliter. Faites-le, hada, ya jama'a. Il n'y aura personne derrière vous. Hein. Vous êtes des adultes, on est des adultes. Nahnou, c'est le conseil qu'on donne, c'est pour toi. Lakin, si tu ne fais pas cet effort et tu ne révises pas, une semaine, deux semaines, khas satan, vous avez remarqué que ce jour de sahou, ça peut durer des mois, tu ne te trompes pas. Un mois, deux mois, tu ne te trompes pas, tu n'as pas de doute, l'imam ne se trompe pas. Toutes ces masaïl, tu les oublies. Le jour où tu as un oubli au milieu de ta salat, tu ne sais plus comment faire. Tu n'as pas le temps de réviser, tu n'as pas de cahier au milieu de salat. Là. Amma si c'est thabit indak, c'est du ilm, t'as les adillah, n'importe quand bi-idnillah, tu sauras comment réagir. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiq al-jami'a.